La taquineuse. Elle aime l'agacer, le faire pisquer. Avec ses blagues, elle sait l'embêter. Toujours prêt à plaisanter, à le titiller. Elle adore le voir enrager et s'énerver. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle badine, elle l'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. Elle l'harcèle, le tourmente sans arrêt. Avec ses mots, elle sait le contrarier. Elle le fait pisquer, le tracasse, mais au fond, elle l'adore. C'est une farce. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle badine, elle l'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. Elle le titille, le fait enrager. Avec ses plaisanteries, elle sait l'exciter. Elle le brocarde, le moque gentiment. Mais c'est pour mieux l'aimer, évidemment. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle patine, elle l'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. Elle le tracasse, le turlupine. Avec ses blagues, elle le pique. Elle le chiffonne, le fait pisquer. Mais c'est pour mieux l'aimer. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle patine, elle l'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. Elle le provoque, le fait enrager. Avec ses mots, elle sait l'obséder. Elle le chapouille, le fait bisquer, mais c'est pour mieux l'aimer. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle patine, elle l'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. Elle l'harcèle, le tourmente sans fin. Avec ses blagues, elle le fait enrager. Elle le moque, le fait pisquer, mais c'est pour mieux l'aimer. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle badine, elle s'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. Elle le tracasse, le turlupine. Avec ses mots, elle le pique et le chiffonne. Le fait pisquer, mais c'est pour mieux l'aimer. La taquineuse, elle s'amuse à le chiner, à le charrier. Elle badine, elle l'irrite, mais c'est pour mieux l'aimer. La taquineuse.